je vais vous présenter la notation qu'on a fait dans le cadre du projet Rhapsody, donc un projet qui a démarré en 2008, qui s'est terminé en fait, qui n'est en fait pas terminé. Pour vous dire, je vous explique ce qui n'est pas terminé, donc on est toujours un peu dessus, et en fait on a un nouveau projet qui prend en partie la suite. L'objectif du projet Rhapsody, c'était au départ d'étudier l'intonosyntaxe, donc d'étudier les corrélations entre prosodie et syntaxe. Et donc, il ne s'agissait pas pour nous de développer vraiment un corpus, mais plutôt de récupérer des données existantes, mais d'avoir quand même quelque chose d'assez bien étalonné, bien échantillonné, donc qui soit un peu représentatif d'une grande variété de genres. Et donc, le corpus est divisé en 57 échantillons de 5 minutes. Et donc, en tout, ça fait donc environ 32 000 mots. Donc, c'est un petit corpus. Mais par contre, vous allez voir qu'il est annoté très finement et avec beaucoup de couches d'annotation. Donc, bien sûr, il y a d'abord une transcription orthographique et phonétique et un alignement en phonème. Cet alignement en phonème, donc, qui va nous être utile pour la notation prosodique. Et puis, je vais vous présenter essentiellement trois niveaux d'annotation. Sans rentrer dans les détails pour la prosodie, parce que moi je me suis essentiellement occupé de la notation syntaxique et après aussi de l'assemblage des différentes annotations. Aujourd'hui le triband qui est en ligne, donc c'est à cette adresse-là. Donc voilà comment se présente le site. Donc il y a la possibilité de visualiser les différents types d'annotations. Il y a des tutoriels donc, qui correspondent à nos codages, à nos différents types de codages. Donc tutoriels qui ont été utilisés soit pour faire de la notation par des annotateurs naïfs, soit qui ont été élaborés. En fait, pour certains types d'annotations, on a en fait fait le tutoriel après avoir fait la notation. Pour tout vous dire. Donc, en fait, bon, il y a certaines parties d'annotation qui sont assez, disons, innovantes dans le sens où on s'est pas appuyé sur des choses existantes. Donc, on a vraiment construit la grille d'annotation en même temps qu'on annotait. Donc, si vous voulez voir tout à l'heure, je pourrais vous montrer le site. La chaîne de traitement, donc. Une fois qu'il y a eu l'échantillonnage et la transcription orthographique et l'alignement, on s'est mis d'accord sur un fichier pivot donc qui grosso modo était un alignement au mot, un alignement temporel au niveau des mots. Et à partir de là, on a travaillé indépendamment complètement annotation prosodique et annotation syntaxique, avec l'idée donc qu'on ne voulait pas biaiser l'étude qui serait ensuite une étude sur les corrélations entre prosodie et syntaxe. On a tellement travaillé indépendamment qu'au niveau du recollage, on a eu pas mal de problèmes. Si vous avez envie de me poser des questions là-dessus, je pourrais vous répondre sur. Alors, c'est un projet qui rassemblait pas mal d'équipes. Notamment du côté syntaxe, l'effort a surtout été mis sur la macro-syntaxe. On avait la chance d'avoir dans notre équipe plusieurs représentants de l'école d'Aix, donc, qui avaient travaillé avec Claire Blanche Ben-Denis, donc en particulier José Delofeu et puis Benedito de Bézieux Sado. J'ai oublié d'ailleurs Frédéric Sado dans la liste. Et puis des gens comme moi qui viennent plutôt de la linguistique formelle, du traitement automatique des langues et qui donc avaient une visée plus modélisatrice. Et donc la rencontre des deux a été assez fructueuse, je pense, pour les deux. Et donc on est arrivé à une formalisation assez intéressante de la macro-syntaxe. Et du coup, alors qu'au départ on pensait que on allait faire un triband un peu classique, c'est-à-dire qu'on allait plutôt travailler sur la micro-syntaxe, c'est-à-dire les relations qu'on appelle micro-syntaxe, je vais vous montrer après, donc c'est la syntaxe classique, quoi, syntaxe de constituant ou syntaxe de dépendance. C'était ça notre objectif initial, et en fait on s'est vraiment intéressé à ça, et on a passé 3 ans, voire 3 ans et demi là-dessus, sur un projet qui durait 4 ans, et donc voilà des raisons pour lesquelles on n'a pas terminé. Et on a fait un effort particulier sur les entassements. Pareil, je vous en parlerai, je vous expliquerai exactement ce que c'est. Alors ça, c'est des données qui sont hyper connues, mais c'était juste pour vous introduire un petit peu l'opposition micro-macro. Vous avez en fait deux organisations concurrentes, donc soit des choses comme Pierre son vélo, le guidon il est tordu, soit des choses qui sont justement qui relèvent de la microsyntaxe et qui sont plus de la syntaxe classique, quoi, le guidon du vélo de Pierre est tordu. Et en même temps, les deux énoncés sont clairement des assertions, il y a une certaine cohésion qui est formée par le fait que c'est des assertions. Et on a donc introduit la notion d'unité locutoire, qui est donc indépendante de la question de la rection. Donc, en considérant que dans Pierre son vélo, le guidon il est tordu, on a 4 composantes, Pierre son vélo, le guidon il est tordu, qui n'ont pas de relation fonctionnelle entre elles, mais la cohésion est donnée simplement par l'appartenance à une même unité locutoire. Et donc c'est ça qu'on va appeler la macro-syntaxe, donc les regroupements par l'illocution opposés donc aux regroupements par la rection, donc micro-syntaxe. Alors, un exemple qui est intéressant parce que c'est des constructions verbales qui sont justement rapprochées par l'illocution. Donc ça, c'est une marchande d'olives qui présente son métier. Donc la clientèle était toujours avec moi. Je me levais le matin, j'étais avec des clients. Je mangeais à midi, j'étais avec des clients. Et je me couchais le soir, j'étais avec des clients. C'est assez clair que je me levais le matin, j'étais avec des clients, et a une certaine forme de cohésion. Et on peut la mettre en évidence en faisant ressortir le verbe de dire. On voit que je me levais le matin, j'étais avec des clients. Ici, dans ce contexte-là, ça veut dire elle m'a dit qu'elle se levait le matin, elle était avec des clients. Et ça ne veut pas dire elle m'a dit qu'elle se levait le matin et qu'elle était avec des clients. C'est-à-dire ce qui se passe ici, c'est qu'elle se levait le matin et pas assertée. Évidemment, elle n'est pas en train de nous dire que je me levais le matin, ça n'a aucun intérêt. Elle est en train de nous dire que quand elle se levait le matin, elle était avec des clients. Okay. Donc de ce point de vue-là, ça forme une seule unité locutoire. Alors on a d'autres tests pour vérifier que c'est une seule unité locutoire. Et donc on va voir cette segmentation ici, donc on va utiliser, donc vous allez voir dans les autres exemples, toujours ce double slash pour marquer les frontières du nucléaire locutoire. Alors les autres tests, c'est que si vous regardez en fait je me levais le matin, j'étais avec des clients, et que vous mettez dans la portée d'une interrogation, par exemple, est-ce que je me levais le matin, j'étais avec des clients. Vous voyez qu'en fait, l'interrogation, elle ne porte pas sur le « est-ce que je me levais le matin ?» mais bien sur « est-ce que j'étais avec des clients ?» Donc, « est-ce que je me levais le matin ?» j'étais avec des clients. Vous pouvez même le paraphraser par « je me levais le matin, est-ce que j'étais avec des clients ?» Pareil avec la négation. Hein. Ce n'est pas vrai que je me levais le matin, j'étais avec des clients. C'est « je me levais le matin, j'étais pas avec des clients. » Donc, ça, c'est un test, non seulement pour voir que « je me levais le matin » n'est pas acerté, mais pour voir qu'en fait, la partie qui est vraiment acceptée, c'est j'étais avec des clients. Et donc on va avoir cette opposition entre une composante qui est le noyau, donc qui est la composante qui porte la force illocutoire, et des composantes associées au noyau, donc on va appeler des anoyaux. Alors après, on va parler pré-noyau quand c'est devant, post-noyau quand c'est derrière, et in-noyau quand c'est à l'intérieur, exactement comme pour les affixes. Alors maintenant, deuxième type de relation, donc vous avez cette cohésion qui est donnée par la macro-syntaxe, et donc maintenant la rection. La rection, je vous donne une définition, mais je pense que tout le monde sait ce que c'est que la rection. Donc, il y a rection quand un élément impose à un autre nature, place, marqueur. Donc Pierre parle à Marie, donc à Marie est régie par le verbe parle. Vous avez différents tests pour la rection, notamment la commutation avec un pronom et le clivage. J'insiste là-dessus parce qu'en fait, on a retenu de manière importante le test du clivage, et on a donné beaucoup d'importance à ce test, et on a considéré qu'en fait, que tout ce qui ne pouvait pas se cliver n'était pas régie et que la collision ne se faisait pas par la réaction mais par la macro-syntaxe. Alors au niveau de la modélisation, on a fait une modélisation en syntaxe de dépendance, c'est-à-dire qu'on encode les relations de réaction par des relations de dépendance. Et donc, ici, Amari est le complément d'objet indirect de Parl, et donc on va représenter ça par une dépendance entre Parl et le groupe Amari. Et même plus précisément, donc là, je ne sais pas si vous connaissez la syntaxe de dépendance, mais donc en syntaxe de dépendance, on va attribuer chaque dépendance à un mot, et donc ici, on va attribuer en fait cette relation de dépendance à la tête du syntagme Amari, c'est-à-dire à l'élément qui contrôle la distribution du syntagme. Et donc c'est comme ça qu'on va avoir une dépendance qui va en fait être entre Parl et A, et ensuite une dépendance entre A et Mari. Mais bon, souvent la syntaxe de dépendance est mal interprétée. En syntaxe de dépendance, on ne nie pas la notion de constituant. C'est simplement qu'on encode les relations autrement, et les constituants, vous les avez simplement comme projection des têtes. Donc, si vous voulez avoir le constituant Amari, ben, c'est la projection de Amari, c'est-à-dire c'est tout ce qui est quelque part régi par A et qui est dessous, qui est du point de vue de la structure de dépendance. Alors cet encodage, il a pas mal d'intérêt, et notamment il s'est passé quelque chose en traitement automatique des langues dans les années 2000, qui est un renversement complètement de l'équilibre entre syntaxe de constituant et syntaxe de dépendance. Et aujourd'hui, on a 90% des parseurs, quelle que soit toute langue confondue, qui sont en fait maintenant des parseurs en dépendance. Parce qu'on a des méthodes d'apprentissage pour la syntaxe de dépendance qui sont particulièrement efficaces. On a des méthodes d'évaluation qui sont aussi extrêmement parlantes, contrairement à la syntaxe de constituant. C'est très difficile de faire d'évaluer. D'évaluer des erreurs de parenthésage, alors que c'est beaucoup plus facile d'évaluer des erreurs d'attribution de dépendance. Et puis, aussi, c'est considéré comme étant plus proche de la sémantique, et donc c'est aussi. On a tendance à considérer que les parseurs en dépendance, finalement, font d'une certaine façon quelque chose de plus utile que les parseurs de constituants. Et souvent, maintenant, même les parseurs en constituants ont après un module qui fait l'analyse en dépendance. Donc ça, c'était ça vraiment notre choix de faire de la syntaxe de dépendance. J'insiste sur le fait que de pas avoir de confusion entre les termes réction et dépendance. Hein. Donc réction, c'est vraiment un terme de la théorie linguistique, et le dépendance, c'est juste un moyen formel d'encoder la réction. Mais on aurait très bien pu utiliser la dépendance pour encoder aussi la macro-syntaxe si on avait voulu. Simplement, la macro-syntaxe, c'est plutôt la macro-syntaxe aurait été peut-être plus délicat de la ramener à des relations entre mots, parce que c'est plutôt des relations entre composantes, entre un noyau et un ad-noyau. Je ne sais pas si ça vous intéresse, je pourrais vous montrer des exemples où il y a même des choses un peu. On verra après des exemples où il y a à la fois de la réction et de la macro-syntaxe. Et des fois, les relations sont dans des directions opposées. Ok, alors donc du coup ça donne quelque chose comme ça quand on mélange les deux. Donc si vous prenez donc alors là la psychiatrie c'est autre chose. Vous allez avoir du point de vue de la réaction quatre composantes. Et donc chaque composante va avoir sa propre structure de dépendance. La tête de l'arbre de dépendance est indiquée par une flèche. Alors quand il n'y a qu'un seul mot, une flèche indique la tête. Et donc, quand vous avez, donc là, vous avez la psychiatrie avec un déterminant qui est dépendant. Donc, c'est autre chose qui forme de la même façon une unité réactionnelle. Hein. Donc, on a cette notion d'unité réactionnelle qui sont donc les unités maximales pour la réaction. Alors, maintenant, je ne vais pas rentrer dans les détails de l'analyse en dépendance. On va plutôt travailler avec ces unités réactionnelles et ces unités illocutoires, et on va regarder comment elles coïncident ou non. Donc là, on a typiquement un exemple où on a une unité illocutoire qui est divisée en quatre unités réactionnelles. Alors, ce qui se passe, c'est que on a donc cette décomposition en, en composantes illocutoires à l'intérieur de l'unité illocutoire. Donc ici, c'est un exemple, ça, 2 euros ça coûte, c'est typiquement, vous êtes au marché, vous êtes en train de regarder les fruits et on vous dit 2 euros ça coûte. Dans ce type de d'énoncé, c'est 2 euros qui forment le noyau. Si vous essayez de mettre une négation, c'est sur 2 euros que vous serez obligé de la mettre. Vous pouvez dire pas 2 euros ça coûte, vous pourrez pas dire 2 euros ça coûte pas. On peut faire le même test avec l'interrogation, pareil. Et donc, on va avoir donc le noyau 2 euros et ça coûte, qui est donc un post-noyau, mais on a une relation de réction en même temps. Donc on a à la fois ici une cohésion par illocution et une cohésion par réaction. Donc les deux choses sont des fois complémentaires. Cet autre exemple est plus complexe. En fait, ça c'est aussi du français parlé, mais en fait c'est du journalistique. Donc c'est les news, donc c'est plutôt du français lu. Donc c'est la revue de presse, la Français Rose constate la Loi du Nord. Et donc vous avez du discours rapporté et qui va former ici le noyau. Donc on a une structure ici au niveau macro-syntaxique qui est assez complexe parce qu'on a un enchâssement d'unités illocutoires. On a une unité illocutoire qui est la Français Rose constate la Loi du Nord, dans laquelle il y a une unité illocutoire enchâssée qui est le discours rapporté, la Français Rose, avec en plus constate la Loi du Nord qui fonctionne plutôt comme un post-noyau. Ce qui n'empêche pas, donc il y a une relation de réaction puisque la France est rose, le discours rapporté et le complément d'objet direct de constater. Donc, vous voyez, ça, le fait qu'on ait complètement dissocié macro-syntaxe et micro-syntaxe, au fait, au niveau de la micro-syntaxe, on voit même pas qu'il y a quelque chose de particulier. La structure micro-syntaxique est assez simple, mais il se passe vraiment des choses au niveau macro-syntaxe. Alors, j'arrive à des exemples qui nous ont particulièrement intéressés. C'est que on a des cas où, donc comme cet exemple, là, donc c'est un interview de Marguerite Duras, qui vous regarde, Jacques Sanchel pose cette question à Marguerite Duras, et elle répond, c'est un Chinois très riche. Et au niveau de l'interprétation que l'équipe de syntaxe a fait, donc je vous rappelle, hein, on a dissocié complètement annotation syntaxique et annotation. On a dissocié annotation syntaxique et annotation prosodique, mais ça ne veut pas dire qu'on n'écoute pas quand on fait l'annotation syntaxique, parce que c'est pas possible de faire l'annotation syntaxique sans écouter. On a besoin d'avoir accès à l'interprétation. Donc si vous voulez, d'une certaine façon, on prend des indices prosodiques, on tient compte des indices prosodiques puisqu'on fait l'interprétation. Et donc ça peut nous amener à modifier notre analyse syntaxique. Et donc là, ce qui se passe, c'est qu'au niveau de l'interprétation, ce type d'énoncé s'interprète comme deux assertions. Donc c'est un Chinois, qui est la réponse à la question, qui vous regarde, c'est un Chinois, et ce très riche qui fonctionne comme une assertion supplémentaire, et en plus, ce Chinois est très riche. Et du coup, on a considéré donc, qu'il y avait deux assertions, qu'on a notées ici par deux double slash. Et on a indiqué avec ce plus que, par contre, au niveau de l'unité rectionnelle, on pouvait très bien considérer que très riche était simplement un prolongement de l'unité rectionnelle. Alors, une fois qu'on a accepté qu'on pouvait avoir ce genre de choses, c'est-à-dire qu'on pouvait avoir des unités rectionnelles qui se prolongent au-delà d'une unité locutoire, on en arrive assez vite à la question de savoir est-ce qu'on peut faire ça sur plusieurs tours de parole. Alors on a des exemples, j'aime bien cet exemple qui, vous allez voir, est assez parlant. Premier locuteur qui dit, c'est un interview, donc c'est l'interviewé qui dit « Je prends le métro le matin jusqu'au Palais Royal » et l'intervieweuse dit « À quelle heure, excusez-moi » et elle répond « Oui, je prends le métro à 8h30 ». Ce qui se passe ici, c'est que à quelle heure, plutôt que de l'analyser comme quelque chose d'elliptique, on va l'analyser comme simplement une continuation de la construction rectionnelle qui est au-dessus. Donc, je prends le métro le matin jusqu'au Palais Royal, à quelle heure? Et vous voyez d'ailleurs que la réponse reprend exactement la structure de L1, L2 cumulée. je prends le métro le matin à 8h30. Donc en fait, on va avoir la même structure de dépendance pour le troisième tour de parole que pour le, la somme des deux premiers tours de parole. Okay. Alors, juste pour essayer de, du point de vue, donc ça, moi, c'est les choses qui m'intéressent, c'est après, qu'est-ce qu'on en fait du point de vue de la modélisation. Donc, si je commence par un exemple où j'ai une seule assertion. Je vous ai donné une représentation sémantique simplifiée. Donc, imaginez que vous avez deux informations que vous voulez communiquer en une seule assertion. C'est-à-dire, il venait tous les jours et cette chose que je dis a duré 4 ans. Donc vous pouvez faire une seule assertion qui est soit il venait tous les jours pendant 4 ans, soit ces visites quotidiennes ont duré 4 ans. C'est-à-dire vous avez la possibilité, quand vous avez ce genre de structure sémantique, de privilégier différents sémantèmes, différents sens pour le choix de votre verbe principal, c'est-à-dire ce qui va être la tête de votre structure syntaxique. Donc là, on est dans l'interface sémantique-syntaxe. Donc, je peux soit privilégier venir, soit privilégier durer. Et donc, j'ai ces deux constructions et qui, si on accepte que ce sont des paraphrases, vont avoir donc exactement la même représentation sémantique. Simplement, ce qui va différencier, c'est au niveau de la structure informationnelle, c'est-à-dire qu'est-ce que vous décidez de mettre en avant. Est-ce que vous décidez de dire venir ou est-ce que vous décidez de dire durer, okay. Alors, maintenant, ce qui se passe, c'est que si vous pouvez aussi tout à fait vouloir exprimer ces deux choses en deux assertions, ok. Donc au niveau de la représentation sémantique, au niveau des relations prédicat-argument, vous allez avoir la même chose, mais vous allez décider de faire deux assertions. Alors si vous décidez de faire deux assertions, vous pouvez faire deux propositions, deux constructions verbales, il venait tous les jours, ça a duré 4 ans. Mais vous avez donc cette possibilité qu'on a rencontrée nous souvent sur nos corpus cette possibilité de faire une première assertion et en faisant la deuxième assertion, de continuer en fait la construction. Donc, et ici, par exemple, de faire quelque chose qui pourrait être considéré comme un fragment avec juste un groupe adverbial pendant 4 ans, mais qui ici en fait est relié micro-syntaxiquement à ce qui précède. Okay. Je vais vous donner encore un exemple. Donc encore un dialogue, mais au prochain arrêt, c'est des itinéraires, donc on demande aux gens comment est-ce qu'on peut aller où à la cathédrale. C'est L1 qui est en train de décrire l'itinéraire et L2 dit pose la question, mais au prochain arrêt je continue. Et L1 dit au prochain arrêt, oui, vous continuez. Donc ça, c'est la réponse à la question. La réponse à la question, elle s'arrête là. Et il ajoute, donc ici avec une pause significative, quelque chose qui vraiment nous indique que c'est une nouvelle assertion. Jusqu'au deuxième, etc. On arrive au troisième, etc. On a cette stratégie donc, de pouvoir poursuivre ici pour ajouter une nouvelle information en faisant une nouvelle assertion. Alors maintenant je passe à un autre problème qui est complètement indépendant et puis après on verra comment les deux se connectent, qui est la question des entassements. Alors la question des entassements, là je reviens à la micro-syntaxe. Là on est dans le problème de la réaction, qui est que on a cette possibilité dans une position syntaxique, une position micro-syntaxique, une position régie, de mettre plusieurs éléments, plusieurs couches dans une même position. Donc typiquement c'est la coordination qui permet de faire ça. Donc des jeunes cagoulés et armés, donc vous êtes des jeunes cagoulés, des jeunes armés, donc les deux adjectifs cagoulés, armés occupent la même position et donc vous les coordonnez et vous pouvez donc ensemble ils viennent occuper cette position. Alors vous pouvez avoir des coordinations marquées avec des coordonnées ou des choses comme piller des magasins, brûler des pneus, où vous allez simplement avoir juxtaposition, mais c'est pareil, vous avez une interprétation additive des choses. Et puis donc ce qu'on rencontre beaucoup dans les corpus oraux, c'est d'abord les disfluences, sur une position, donc on va achoper sur une position et donc on va avoir plusieurs répétitions comme l'LLLLL avec ici une bribe de capital, et puis des reformulations, c'est-à-dire qu'on va proposer d'abord les capitales et le reformuler ensuite en les grandes villes. Le fait de rapprocher coordination et reformulation, ça c'est quelque chose qui date des travaux de Clermange Benveniste et de toute l'équipe d'Aix, et au travers des analyses en bridge, je ne sais pas si j'ai un exemple, non, je verrai après. Et donc ça c'est. Enfin, on verra quelles sont les raisons de rapprocher ça juste après. Je vous donne les notations, donc on va utiliser, parce que je vais vous montrer beaucoup d'exemples qui seront donc toujours annotés de la même façon. Donc on va simplement utiliser donc les accolades pour marquer un parenthésage, donc quand X et Y sont entassés. Et on a aussi des entassements discontinus. Alors les entassements discontinus, c'est des exemples comme si je ne craignais pas d'entrer dans le jeu de certains hommes qui abusent de leurs conditions, je dirais que vous avez donné quelque chose de plus à la femme, des armes de persuasion. Ça c'est ce que les gens d'Aix appellent les effets deux points, parce qu'au niveau de la prosodie, c'est que vous lisez comme si vous aviez deux points ici. Des armes de persuasion, c'est un groupe qui vient occuper exactement la même position de quelque chose de plus. En fait, ici, d'une certaine façon, on fait deux assertions pour dire que finalement, vous avez donné des armes de persuasion à la femme. Et donc on n'a pas de meilleure au niveau de syntaxique, on n'a pas de meilleure analyse que de dire que des armes de persuasion est quelque chose qui vient occuper la même position que quelque chose de plus. Et donc on note ça avec cette notation-là. On va regarder maintenant plusieurs exemples d'entassement, juste pour vous dire que on a pas considéré qu'on avait entassement à chaque fois qu'on avait une conjonction de coordination. On a considéré qu'on avait entassement quand on avait plusieurs choses dans une même position régie. Et là, donc, par exemple, typiquement des exemples comme ça, où vous avez des constructions verbales qui se suivent avec des conjonctions de coordination. On a considéré que, comme on n'avait pas de rection de ces différentes constructions verbales, qu'on ne pouvait pas les traiter comme des entassements. On n'avait pas d'indicateur du fait que c'était réellement des entassements. Et donc, on les a traités plutôt, ces conjonctions-là, comme des introducteurs d'unités locutoires. Là, on a suivi, en fait, l'intuition des gens d'Aix qui ont beaucoup étudié ces genres de choses et qui ont toujours considéré que c'était des phénomènes différents. Du coup, on n'a pas fait, c'est les limites de notre analyse, on n'a pas fait d'analyse au-delà de ces unités locutoires. Donc on s'est arrêté vraiment à ce qui est marqué ici par les doubles slash. Alors, voilà justement les analyses en gris dont je voulais vous parler. Je pense que vous avez déjà vu ces choses-là si vous avez ouvert un ouvrage de Clermange Benveniste sur le français parlé. Donc on a cette représentation des entassements comme quelque chose d'orthogonal à la rection. C'est-à-dire qu'ici, dans les analyses en grille, on a les relations syntagmatiques, donc les relations de rection qui vont être dans la dimension horizontale et dans la dimension verticale. Donc on va avoir les entassements, donc quand on a plusieurs groupes qui viennent occuper la même position. Alors, cette idée de représenter de façon orthogonale la rection et l'entassement, c'est pas une idée, en fait, c'est pas l'analyse en D qui est la première représentation de ce type. On a exactement la même chose chez Kenyer, qui fait donc ce type de représentation, avec juste des conventions opposées, c'est-à-dire que chez Kenyer, en fait, c'est la rection qui est marquée verticalement et les entassements sont marqués horizontalement. Et même Tenier très explicitement dit, donc il appelle ça la jonction, il dit la jonction est un procédé orthogonal à la connexion, c'est le terme qu'il utilise pour la rite. Comme on avait énormément d'entassements et que c'était quand même quelque chose de vraiment important dans l'étude de français parlé de l'oral, on s'est beaucoup intéressé donc à la structure des entassements. Alors ce qui apparaît dans la structure des entassements, c'est que Donc quand on a en tassement, on a donc des conjoints, on a des groupes qui viennent occuper la même position, mais on a aussi plein d'autres trucs qui viennent structurer les entassements. Alors les autres trucs qui viennent structurer les entassements, c'est d'une part les conjonctions de coordination, donc ici on appelle ça joncteur, et aussi beaucoup d'adverbes qui viennent donc s'ajouter aux conjoints et qui sont assez problématiques pour l'analyse en dépendance parce que, alors mon exemple est un peu compliqué. Donc j'ai une approche de l'art qui est assez généraliste et qui mêle plusieurs points de vue, donc pas seulement le point de vue de la philosophie, mais aussi celui de l'histoire, celui de la sociologie. Donc si vous prenez juste, j'ai une approche qui mêle aussi celui de l'histoire, dans une analyse en dépendance, si on n'avait pas d'entassement, si on avait juste qui mêle aussi celui de l'histoire, on traiterait aussi comme un adverbe et donc comme quelque chose qui vient donc modifier le verbe, et donc on aurait une dépendance entre mêle et aussi, et on aurait celui de l'histoire qui serait complément d'objet de mêlée. Et donc on se retrouve avec quelque chose qui, du point de vue de la dépendance, n'est pas connexe. Okay. On a deux choses. Donc du point de vue de la dépendance, ces adverbes, c'est comme des trucs qui seraient des modifieurs du verbe et qui viendraient se mettre ici dans ces entassements. Et qui rendent la structure des entassements très complexe du point de vue micro, disons avec une analyse traditionnelle. On n'a pas tellement réussi à dépasser finalement cette question de l'analyse traditionnelle. On a un peu hésité à faire de ces adverbes presque des choses qui finalement fonctionnent plutôt dans une connexion avec le conjoint. Mais on n'a pas osé aller jusque-là, on est resté dans un truc assez traditionnel, et donc du coup, ces constructions-là sont assez problématiques du point de vue de notre analyse. Alors, le dernier petit élément qu'on a, c'est qu'on a des éléments qui viennent clôturer ces listes, donc en particulier quand on a des entassements qui sont sous forme de listes, on a des éléments qui marquent la clôture, comme typiquement vous avez etc., donc il y a un élément qui est vraiment dédié à ça. Qui n'est pas vraiment un conjoint, dans le sens où il n'occupe pas la position, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas dire qui mêle, etc. Donc vous êtes obligé. Cet élément ne peut apparaître que s'il y a déjà une liste qui est en place. Alors du coup, voilà ce que ça donne au niveau de la représentation sémantique. Je vous en ai choisi un qui est un entassement discontinu. Donc je dirais que vous avez donné quelque chose de plus à la femme des armes de persuasion. Donc, si vous oubliez pour l'instant des armes de persuasion, donc vous avez une structure de dépendance connexe que vous avez donnée. Vous avez donné quelque chose de plus à la femme. Et puis, donc, on indique qu'on a une relation paradigmatique entre quelque chose et des armes de persuasion. Donc, comme on est en syntaxe de dépendance, cette relation, en fait, elle va relier les têtes. Donc, ici, quelque chose, il est traité comme un seul pronom. Et donc, la tête, ici, c'est arme, et donc on a cette relation de reformulation. Et comme quelque chose était l'objet de données, des armes de persuasion va hériter d'une relation objet par le fait qu'il est dans cette relation paradigmatique avec quelque chose. Alors il y a quelque chose de redondant dans notre analyse, ça c'est en fait c'est automatique, c'est déductible du fait qu'on a un objet et une relation paradigmatique, donc on hérite, mais bon, on les a indiqués. Je ne sais pas, vous m'arrêtez je ne sais pas si je vais au bon rythme ou si c'est trop vite. Oui, ça c'est un petit peu sur les analyses. Les analyses des entassements sont extrêmement variées dans les tribanques. On a de tout et de n'importe quoi. Bon, d'abord sur des énoncés comme ça, on a surtout donc les gens en plus travaillent surtout sur l'écrit, les gens qui font vraiment des tribanques. Donc sur des choses comme ça, en fait, à l'écrit, ils vont se retrouver avec deux points. Donc souvent, ils vont même pas analyser des armes de persuasion. Ils vont pas chercher à analyser l'ensemble de ce segment comme une structure syntaxique. Donc ça va s'arrêter là. Donc dans des cas comme ça, donc il y aura carrément rien. Dans les cas de reformulation, en général, Ils considèrent que quand il y a une reformulation, c'est que donc on reformule et donc on efface la première partie. Donc en fait, on n'analyse pas le premier conjoint et on considère que c'est le deuxième conjoint simplement qui est dans la structure syntaxique. On aura ce type d'analyse pour les disfluences, par exemple, c'est extrêmement classique. Et puis, pour la coordination, on a aussi des analyses assez divergentes et on a notamment deux types d'analyses. On a ce qu'on appelle l'analyse asymétrique, qui est de considérer que, en fait, dans une coordination, c'est le premier élément qui occupe la position et que le deuxième élément fonctionne comme un adjoint. Hein, donc, Pierre et Marie. Et Marie, vous allez le considérer comme quelque chose qui s'adjoint sur Pierre. Okay. Ça, c'est l'analyse asymétrique. L'analyse symétrique, c'est de considérer que les conjoints sont des cotèmes. Dans Pierre et Marie, vous avez deux éléments qui, ensemble, viennent occuper la même position. Alors, nous, on s'est situé un petit peu entre les deux, et donc on a une analyse qui subsume à la fois l'analyse symétrique et l'analyse asymétrique. Hein, si je reviens sur mon exemple. D'une certaine façon, on a cette analyse symétrique puisqu'on considère qu'on a à la fois quelque chose et des armes de persuasion qui sont tous les deux traités comme des objets, mais en même temps, on a quelque chose d'asymétrique dans le sens où on considère qu'il y en a un qui est un vrai objet et l'autre qui est un objet hérité. Okay. Et on a cette relation paradigmatique qui peut être vue comme une relation d'adjonction de cet élément-là sur l'élément qui précède. Okay. Enfin, en tout cas, on a adopté une structure qui nous permettait de ne pas décider entre analyse symétrique et asymétrique. Le fait d'avoir ces dépendances héritées, je ne sais pas si vous les voyez bien, mais, si vous prenez cet exemple-là, mais c'est un concept, c'est ce qu'on appelle un concept flou. Ce qui se passe ici, c'est que flou, il vient saturer à la fois le premier conjoint et le deuxième conjoint. C'est-à-dire qu'on aurait pu traiter, mais c'est un concept, comme quelque chose d'inachevé, et dire bon, ici en fait il y avait un inachèvement, et après c'est ce qu'on appelle un concept flou. Là, le locuteur a vraiment réussi à dire tout ce qu'il voulait dire. Plutôt que de traiter ici un inachèvement, on a considéré qu'en fait flou venait clôturer en fait les deux conjoints, et saturer les deux conjoints, donc c'était un dépendant partagé. Donc, dans notre analyse, donc, justement avec ces dépendances héritées, on peut expliciter le fait que flou hérite d'une dépendance avec la première occurrence de concept. Et donc en fait, on a très peu de. Du coup, on a une analyse où on a très peu d'ellipses. C'est-à-dire qu'on n'a pas de. On considère qu'on n'a pas d'inachèvement ici. Et je vous ai montré tout à l'heure sur les exemples où on considère qu'on, même quand on a deux unités locutoires, qu'on pouvait avoir continuation de la structure directionnelle et même sur plusieurs tours de parole. Donc on a un traitement qui en fait, d'une certaine façon, essaye d'éviter le recours à la notion d'ellipse. Alors ça donne des choses comme ça. Cet exemple-là est assez amusant puisqu'on a quatre tours de parole où où il y a une continuation de la construction. Donc c'est des commentaires de matchs de foot. Alors je ne sais pas si vous avez déjà analysé des commentaires de matchs de foot. Mais là, typiquement, vous avez deux personnes qui commentent le match de foot en même temps, donc ils parlent tout le temps en même temps, ils n'arrêtent pas de se reprendre de machin. Il y a énormément de chevauchements. Donc là, vous avez une production. Donc il y en a un qui dit Eidon Agaga, en fait, il s'est gouré de nom, il faut le dire Gago, effectivement, et l'autre valide ça, donc Gago, pardon. Et donc ça, typique de production dans les commentaires de match de foot, donc Gago qui est contré. Donc on a des assertions comme ça qui sont en fait contrées. Toujours Zidane qui passe la balle, Henri qui reprend, qui marque de la tête. Enfin, donc des trucs. On a très peu de vraies constructions verbales où c'est le verbe qui est la tête. Et donc du coup, au niveau de la structure syntaxique, nous on a traité ça comme une seule unité directionnelle. C'est-à-dire ce qui se passe, c'est que il donne à Gaga, Agago vient s'entasser dans la même position. Gago c'est juste une reprise, Gago qui est contré. Et donc, on a la même analyse que si on avait il donne à Gago qui est contré. Après, bon, il y a des expansions par le fait qu'il y a des entassements. Mais l'analyse de base, c'est donne à Gago qui est contré, qui est traité comme une seule unité directionnelle. Avec, par contre, des éléments qui, eux, sont des éléments non régis, comme effectivement, pardon, qui vont être plutôt dans des relations macro-syntaxiques avec ça. Je ne sais pas si je rentre dans les détails de ça. Alors, comme on a considéré que les entassements étaient dans une dimension orthogonale par rapport à la réaction, on a considéré que les éléments qui structurent les entassements, c'est-à-dire les conjonctions de coordination, les joncteurs, comme c'est-à-dire, sont dans cette dimension orthogonale. Et d'une certaine façon, ils sont invisibles pour la... Donc, si vous voyez ici le code couleur, vous avez donc, les relations de réaction en noir. En bleu, vous avez les relations d'entassement qui sont orthogonales. Et donc, vous avez ces relations vertes qui sont les relations, donc la conjonction qui, en fait, permet de raccrocher les deux conjoints, qui va être dans cette dimension orthogonale, donc, qui est une relation perpendiculaire à la relation de réaction. Alors, du coup, bon, on a une structure un peu complexe parce qu'on a à la fois noté la relation paradigmatique et les relations donc, du joncteur avec les conjoints. Alors, juste un phénomène qui est assez intéressant, c'est bon, ce type de construction a déjà été étudié beaucoup par les gens qui travaillent sur la coordination parce que c'est assez embêtant du point de vue de l'analyse traditionnelle de la coordination. Dans Il parle anglais et bien, parce que vous avez ce bien qui est un adverbe, qui vous avez une conjonction de coordination, donc vous avez envie de traiter ça comme une coordination. En même temps, vous voyez que vous avez une coordination entre deux choses qui n'ont rien, enfin, une construction verbale et un adverbe. Et donc, la modélisation de ces choses-là est généralement problématique. Avec notre analyse à deux niveaux, donc macro-syntaxique, micro-syntaxique, on voit que dans Il parle anglais et bien, donc si on se place au niveau macro, qu'on a deux assertions. Donc, Il parle anglais et bien, c'est Il parle anglais et il fait ça bien. Il y a deux assertions là-dedans. Ce qui n'empêche pas que bien peut être considéré comme un élément au niveau de la réaction qui fonctionne comme un adverbe. C'est-à-dire que on peut le voir comme la continuation de cette construction. Donc, il parle anglais et il parle anglais bien. Et donc, c'est ce qu'on fait. C'est-à-dire qu'on considère qu'on a, du point de vue macro-syntaxique, deux assertions, donc avec un élément qui donc va plutôt jouer le rôle de coordonnant, mais au niveau illocutoire, au niveau des assertions, et au niveau micro-syntaxique, une seule construction. Alors, on avait pas mal d'occurrences de trucs comme ça dans notre corpus. Donc, par exemple, toujours dans le match de foot, là, on avait commentaire de match de foot, on avait donc il frappe de loin mais dans les nuages. Et donc, ça donne ça au niveau de l'analyse. Si vous oubliez le mais, vous avez une structure de réaction qui est une seule unité réactionnelle. Ce serait la même que celle que si vous aviez il frappe de loin dans les nuages. Mais on a donc ce joncteur qui va qui va servir à coordonner la construction verbale avec un de ses ajouts, un de ses dépendants. Hein, donc ça fait un truc un peu bizarre. Mais voilà, c'est l'analyse qu'on défend pour ce genre de choses. Pas de commentaires. Tu les baptises à chaque fois. Quand tu donnes les exemples complets, tu mets les baptises en dessous. Tu neutralises complètement le palier morphologique. Au niveau, je vais prendre juste un exemple qui était un exemple de tout à l'heure. Je dirais, vous donner un nouvel argument pour les femmes, enfin je ne sais plus quelle était la phrase exacte. Quand on regarde l'animatisation que tu fais dessous, elle est bon, je, dire, etc. Tu ne t'occupes pas du fait que c'est inconditionnel, alors que si ça avait été je voudrais dire, qui aurait eu à peu près le même élément, tu aurais fait apparaître le verbe vouloir. Ma question est, est-ce que tu peux considérer à cet endroit-là que dans le type d'opération que tu fais, c'est une vraie question, hein, est-ce que tu peux considérer que tout ce qui est de type morphologique peut être évacué, puisqu'a priori il apparaît, tu travailles toujours mot à mot ou par groupe de mots, sans qu'il y ait d'incidence sur l'analyse globale? Oui, ça c'est une hypothèse de la syntaxe de dépendance, de considérer qu'il y a d'abord un regroupement au niveau lexical, des formes fléchies, donc donc des lexèmes avec les morphèmes flexionnels, et que ensuite ces regroupements-là sont dans des relations de réaction entre eux, et que donc les relations de réaction, elles sont entre formes fléchies. Et donc c'est vrai que du point de vue-là, les morphèmes flexionnels ne nous intéressaient pas particulièrement, surtout qu'on ne s'attendait pas à avoir des... avoir quelque chose au niveau prosodique, tu vois, sur les morphèmes flexionnels. Il ne faut pas oublier non plus que l'objectif au départ, c'est un tonneau syntaxe, hein, donc on privilégie les questions. Mais... ça, c'est juste pour vous donner des vous montrer qu'il y avait quand même pas mal d'exemples. Je vous rappelle que le corpus est un petit corpus, hein, de 33 000 mots. On veut bien parler avec vous, mais après le déménagement. Normalement, c'est du bois de hêtre dessous et qui est la clé noire. Il va sans doute faire la même chose qu'avant, pronostic Francis Brochet, mais autrement. Donc là, en plus, on voit assez bien avec le discours apporté. Donc, on a ces coupures donc, qui marquent en fait le fait que ce truc-là fonctionne comme une assertion supplémentaire. J'ai obtenu mon bac l'année dernière, donc section économique et sociale. Un peu compliqué, je ne peux pas vous le dire. Alors, juste pour pas qu'il y ait de confusion avec ce que je vais raconter maintenant, ça pour nous, ça rentre pas dans les entassements. C'est-à-dire que c'est des phénomènes de coordination qui sont des coordinations entre unités et locutoires, donc, qui sont au niveau macro-syntaxique. Alors, c'est ce qu'on a traité dans les phénomènes d'entassement. C'est des entassements au niveau micro-syntaxique. Donc, c'est plusieurs choses qui viennent occuper la même position régie. Là, justement, c'est exactement l'inverse. C'est des choses où il n'y a pas du tout. On coordonne deux choses qui sont non seulement pas régies, mais de toute façon, même s'ils étaient régies, ils ne seraient pas dans la même position régie. C'est même un qui régit l'autre. Enfin, c'est complètement autre chose que les entassements. C'est juste qu'on a les mêmes marqueurs qui marquent les coordinations. Alors, maintenant, je vais juste revenir un petit peu sur la typologie des entassements. Donc, c'est un travail qu'on a fait avec Paola et Andrea. Je ne reviens pas sur les exemples classiques de coordination. Je voudrais juste vous montrer en fait la variété des entassements en vous montrant plutôt des exemples qui sont moins attendus. Alors, par exemple, on a ce qu'on appelle des coordinations intensives. Donc, on peut utiliser en fait la répétition pour marquer l'intensification. Alors ça, c'est pas... on n'en avait pas d'exemple avec des groupes nominaux. Vous connaissez l'exemple du genre très-très, très-très pour intensifier très. Donc là, vous avez la grosse recette de Sarah, tu vois, c'était de faire des exercices. Donc c'est faire beaucoup d'exercices. Alors qu'on a même des choses. Donc celui-là, j'aime bien cet exemple parce qu'il montre vraiment que c'est de la coordination, parce que vous avez en plus la conjonction de coordination. On ne pouvait pas s'empêcher à la fin de mort et transfiguration de faire résonner et encore ces accords qui nous enchantaient. Donc on a donc cette répétition avec en plus la conjonction de coordination et avec encore et encore en fait qui fonctionne ici comme un clôtureur, hein, comme tout à l'heure je vous parlais de etc. Évidemment, encore, il n'est pas dans... Vous n'allez pas dire qu'encore occupe la même position régie que raisonner. Donc, vous n'êtes pas dans une relation conjoint-conjoint, vous êtes dans une relation entre trois conjoints et un autre truc, qui est donc ce clôtureur de liste. Dans l'exemple précédent, la répétition de l'article, est-ce qu'elle relève du même type de coordination intensive? Ah non, là, tu vois. Ce qui est en gras. En plus, il y a des alternances entre le là, donc là, on est typique dans des phénomènes de disfluence où on n'a pas encore fait le choix lexical, donc, puisqu'on ne sait même pas si c'est masculin, féminin, donc il y a des hésitations sur le choix lexical. Donc ça, c'est typique de disfluence où on achoppe sur le déterminant jusqu'à ce qu'on ait trouvé le bon choix lexical. Est-ce que c'est un autre type d'entassement? Oui, là, c'est disfluence, donc. Oui, j'aurais pu commencer par ces exemples simples, je les ai sautés. Donc, si vous voulez, l'exemple le plus simple d'entassement, c'est la disfluence, mais il n'y a même pas de sémantique associée. C'est-à-dire que vous êtes en fait sur des séquences qui n'ont même pas de dénotation. Donc, après, donc là, justement, j'ai fini avec là, je suis en fait sur. Je finis avec les coordinations et je reviendrai sur discipline et réforme. Si vous voulez, la différence ici, ce qu'il faut voir dans les coordinations, c'est que l'entassement, d'une certaine façon, a une sémantique. Puisque le fait d'entasser, si vous raisonnez en termes de grammaire de construction, l'entassement en tant que construction a une sémantique qui est l'intensification. Donc vous pouvez dire que vous avez un schéma syntaxique qui est répète et une sémantique qui est tu intensifies. Donc ici, avec des noms, ça va être intensification sur la quantité. Avec des verbes, ça va être plutôt aspectuel, donc une intensification, de répétition d'une action. Alors que dans les phénomènes de reformulation qu'on verra après, il n'y a pas de sémantique associée de la même façon. On verra sur les étapes. Alors justement, un autre type de coordination qui, du point de vue de la sémantique, est un peu particulier parce que en fait, vous coordonnez des choses pour essayer de construire un hyperonyme. Là, c'est par exemple, c'est des gens, on leur montre un petit film, c'est une séquence de Charlie Chaplin, et on leur demande après de raconter ce qu'ils ont vu. Et typiquement, on voit qu'ils ne se souviennent pas très bien, donc ils voient sortir un personnage qui porte un plateau, et ils n'ont pas très bien vu ce que c'était, mais ils l'ont identifié comme un boulanger ou quelque chose comme ça. Donc en fait, ils inventent, parce que c'est même pas ça qu'il y a sur le plateau, mais. Donc en fait, justement, ils ont envie de dire, on le voit sortir avec des articles de boulanger. On voit le sortir, en le voyant, on voit que c'est un boulanger. Et donc ils disent, on le voit sortir du pain, des brioches, des trucs comme ça. Et donc là, en fait, il ne faut pas prendre du pain et des brioches comme des choses dénotant précisément des choses qu'on va décrire. Il faut voir ça comme une liste qui va servir à construire un hyperonyme de pain, brioche. Qui est marqué donc justement par ce clôtureur des trucs comme ça. Donc un autre exemple du même genre, les gens au début quand ils voyaient un ordinateur, une souris, tout ça, donc là c'est pareil, hein, on cherche pas précisément un ordinateur, enfin c'est tout n'importe quoi qui a à voir avec l'informatique. Bon, alors on a aussi ça sur des positions verbales, hein. Se bourrer puis chauffer comme ça, c'est-à-dire draguiller la mer ou draguer, faire une déclaration d'amour à la mer. Donc, on essaye de construire un truc un peu entre draguer et faire une déclaration, alors si on veut rentrer un peu plus dans le détail, on voit quand même qu'on a, ce qui est intéressant dans ces listes, c'est que on a aussi le type de conjonction qui est utilisé et le nombre. Donc si vous opposez des choses comme des ordinateurs, des souris et des trucs comme ça, et vous allez le traiter comme toutes sortes d'objets liés à l'informatique, alors qu'un ordinateur, une souris ou un truc comme ça, vous allez l'interpréter comme n'importe quel objet lié à l'informatique. Donc si vous voulez, donc là c'est pareil du point de vue construction, vous avez cette construction particulière qui sert à construire un hyperonyme des conjoints, et en plus avec une sémantique qui est associée donc à notamment à l'élément qui marque la fin de cette liste, et qui donc va avoir une sémantique qui va être soit n'importe quelle, soit toutes sortes de. En même temps, ici, avec le tout ça, on est. Enfin, dans l'exemple tel qu'il est. Oui, dans l'exemple. C'est tout ça, ni dans l'un, ni dans l'autre. Oui, oui, là, on est plutôt dans un truc comme ça. Ouais. Ouais. Non, non, donc c'est pas le. Non, c'est plus complexe que ça, hein. C'est pas juste le. Donc oui, le tout ça, il fonctionne plutôt de ce côté-là, hein. Même avec un singulier. Alors, ben, je reviens donc aux diffluences. Donc là, j'ai laissé de côté les coordinations. Donc je vous ai dit, hein, les coordinations, c'est donc des. Il faut vraiment y avoir l'entassement comme une construction. Et là, disfluence, il n'y a pas de sémantique du tout associée. Là, on est en plus vraiment dans la disfluence. Il n'y a pas d'interprétation même de ces bribes. Juste pour vous montrer qu'il y a des disfluences qui sont assez complexes au niveau de la structure. Hein. J'avais beaucoup, donc vous pouvez même avoir de la récursivité dans la dissonance. Et on a traité donc aussi comme dissonance les même quand il y avait des différences, mais tant qu'il n'y avait pas de choix lexicaux, que c'était uniquement sur la grammaire, on considérait que donc, tant que le choix lexical n'était pas fait, on était dans de la dissonance. Donc quand on avait le la lait, le la, comme tout à l'heure, là, dès 1, qu'on est encore dans de la dissonance. Par contre, dès qu'on a un nouveau choix lexical, comme ici, donc j'avais mis une circonscription, un rayon d'action, donc là on a reformulation. C'est-à-dire qu'on a deux dénotations pour un même élément. Donc on va proposer une nouvelle dénotation, on reformule. Et pour nous, c'était important de tout analyser. C'est-à-dire, il y a souvent cette idée que quand on reformule, finalement, on pourrait presque effacer la première formulation. Mais ça, ça ne marche pas, c'est pas vrai. En fait, la construction... D'ailleurs, on est souvent la frontière entre reformulation et tout ce que je vous montrais juste avant, les coordinations hyperonymiques. On est toujours un peu à la limite, c'est-à-dire que finalement, on construit aussi quelque chose. Bon, finalement, on construit une dénotation avec la somme des dénotations qu'on nous donne. Je ne sais pas, il y a plusieurs exemples avec une sorte. Donc, j'arrive place aux herbes avec une sorte de halle, quoi, de structure métallique. Alors, cet exemple-là, il est assez intéressant parce que vous avez des fois des reformulations à distance. Dans le 20e, il faudrait qu'on sépare, enfin, qu'il y ait des cours de français pour les petits-enfants qui ne parlent pas français. C'est pas compliqué quand même, c'est pas très difficile d'apprendre le français à des petits-enfants de cet âge-là, ça se fait assez facilement, dont les mamans ne parlent pas français. Il aurait été bien que vous le fassiez écouter celui-là parce qu'on a même du mal à voir comment mettre la prosodie pour que ça fonctionne. Mais ça fonctionne. Alors, on a distingué les reformulations des doubles formulations. Alors, qu'est-ce qui distingue les reformulations des doubles formulations? C'est que dans les doubles formulations, on a en fait deux dénotations qui sont dans deux assertions différentes. Donc il y a une première assertion qui est faite avec une première dénotation et on a une nouvelle dénotation qui est proposée dans une nouvelle assertion. Donc il y a cette idée de double formulation qui n'est pas comme la reformulation où finalement on construit quelque chose en ajoutant tout. Donc j'avais absolument envie d'aller dans la Corne de l'Afrique. L'Éthiopie, la Somalie, l'Arabie, tout ça. Donc là, on a typique de cet effet de points. Hein. Donc on a une liste, on exemplifie quelque chose par une liste. Et donc on retrouve d'ailleurs nos listes hyperonymiques, là, nos coordinations hyperonymiques avec tout ça. Alors il y a cet exemple qu'on a regardé déjà tout à l'heure. Vous avez donné quelque chose de plus à la femme des armes de persuasion. Maintenant, tout à l'heure, on regardait comment c'était fait au niveau syntaxique. Maintenant, on est plutôt au niveau de la sémantique de ces choses-là. Donc, vous voyez que on utilise un indéfini et en fait on instancie après cet indéfini par un groupe nominal. Et en fait cette instanciation indéfinie et ensuite groupe nominal, elle n'est pas très éloignée de ce qu'on a dans les questions-réponses. Vous avez dans la question un interrogatif qui fonctionne ici plus ou moins comme un indéfini et la réponse donc qui vient instancier après la position, donc c'est assez simple d'un certain point de vue au niveau en tant que entassement, c'est des choses assez similaires. Donc, il faut compter combien de temps après, très rapidement, 15 jours maximum. Donc, il faut compter 15 jours maximum, donc on considère que ça, la réponse, c'est juste une instanciation du complément interrogatif. Pourquoi, alors on a ça même en monologue, pourquoi j'ai fait du journalisme? Parce que ça se passait tout de suite après la guerre. Donc on se pose la question à soi-même et donc on a cette instanciation. Donc au niveau de l'analyse, on analyse ça comme ça. Pourquoi j'ai fait du journalisme? Donc ça va être un ajout ici de pourquoi. et ensuite donc entassement de parce que sur pourquoi, et du coup le parce que va hériter de la relation avec faire. Donc du coup on va avoir à la fois le pourquoi j'ai fait du journalisme et j'ai fait du journalisme parce que ça se passait tout de suite après. Et donc vous voyez, ça sert de pivot, c'est assez complexe comme construction. Alors un dernier type d'entassement qu'on a appelé négociation. C'est des choses, il n'y a pas de reformulation. Alors, on ne pouvait pas appeler ça des reformulations. Ça, c'était quelque chose d'autre. Et en fait, c'est quelque chose qui est un petit peu perpendiculaire à la question de la reformulation, parce qu'on peut le faire avec reformulation ou pas de reformulation. Donc ici, c'est toujours dans les itinéraires. Donc quelqu'un est en train de décrire un itinéraire, vous allez longer les quais, vous passez devant une banque, alors il y a une banque pour vous repérer. Et l'interlocuteur, les quais du tram. Donc en fait, vous avez une demande de confirmation et une confirmation avec reformulation. Hein, donc vous pouvez avoir confirmation juste les quais, vous avez les exemples juste après, hein, puisque finalement, ça fait 48 ans que vous êtes au Kenya. Donc ça, c'est l'intervieweur qui dit ça à l'interviewé, qui valide en fait, qui confirme 48 ans, oui. Et donc vous pouvez avoir juste confirmation avec juste répétition ou confirmation avec reformulation. Et donc vous êtes dans un phénomène de particulier donc de négociation et donc toujours avec cette possibilité d'entassement, c'est-à-dire que vous pouvez négocier juste un morceau de votre énoncé donc sans reprendre la construction syntaxique entièrement. Et donc finalement vous voyez que ça fait comme si évidemment vous avez tout ça va s'entasser, donc évidemment vous interprétez ça à la fin comme vous allez longer les quais du tram. J'ai mis ce truc-là ici à la peine. Ok, je crois qu'il y a rien. Juste un petit mot sur la prosodie. Donc je ne me suis pas occupé du tout de la prosodie, mais c'était juste pour vous donner une vision un peu globale du corpus. Donc sur la prosodie, il y a eu à la fois un travail sur la F0 avec notamment des contours simplifiés qui ont été proposés donc, pour la F0. Et puis aussi la construction d'une structure prosodique à partir de données perceptives. Alors je vous explique ça. La prosodie, je pense que vous savez pour la plupart d'entre vous ce que c'est. Juste bon, c'est sur ce type d'enregistrement où on n'a pas un micro par personne, on ne peut pas tenir compte de l'intensité du tout. Le locuteur bouge trop par rapport au micro. Donc les seules variables qu'on utilise, donc, c'est la F0 et la durée, puisqu'on a l'alignement au phonème, hein, donc on peut avoir les allongements. Alors ça c'est des transparents de Dan Lacheret que je ne maîtrise pas tout à fait. Donc les questions que se posent les prosodistes, il y a eu énormément de problèmes en fait pour la notation prosodique dans un projet comme ça, parce qu'on avait à peu près une pratique et un type d'annotation par prosodiste. Donc ils ont eu énormément de mal à se mettre d'accord sur quelque chose. Et en particulier, on a vraiment deux écoles. C'est-à-dire on a des gens qui vont s'intéresser aux données acoustiques, qui vont chercher vraiment à annoter vraiment le signal. Donc ils vont être plutôt du côté phonétique. Et on va avoir des gens qui vont s'intéresser plus à la prosodie telle qu'elle est perçue. Donc aux données perceptives, donc plutôt du côté phonologie, et qui vont chercher à noter les intonèmes, les proéminences telles que perçues par les locuteurs. Donc ce qui nous intéressait, nous, ici particulièrement, c'était la question de la segmentation faite par la prosodie. puisqu'on voulait comparer la segmentation prosodique avec la segmentation syntaxique. Donc déjà, du côté syntaxe, c'était assez complexe, parce qu'on avait nos deux niveaux de segmentation en unité illocutoire, en unité rectionnelle, et on avait donc après ces segmentations au niveau de la prosodie. Alors après, il y avait le problème de la discrétisation qui était on a quelque chose de continu, donc il y a souvent quelque chose d'un peu arbitraire à décider que c'est ici et pas là qu'il y a une segmentation. Et ensuite, une fois qu'on a fait la segmentation, il y a la question de qu'est-ce qu'on garde comme information. Est-ce qu'on garde vraiment des contours? Est-ce qu'on les simplifie? Donc est-ce qu'on cherche à les discrétiser? Et donc est-ce qu'on a une algèbre pour décrire les contours? Donc c'est ce qu'on a fait en partie. Donc c'est pour ça qu'on a beaucoup d'annotations prosodiques. Et on a en fait annoté des contours sur des tas de types d'unités. Ce qui fait que la base, l'annotation est assez énorme, puisqu'on a associé des contours à tous les types d'unités prosodiques. Donc une fois qu'on avait fait la segmentation selon certains critères, on a associé des contours à toutes les unités prosodiques qu'on avait obtenues, de la syllabe jusqu'à la période avec des niveaux intermédiaires, donc qui étaient groupes rythmiques et pattes intonatives. Et on a aussi associé des contours à toutes les unités syntaxiques. Okay, donc parce que ça dépend aussi des gens. Il y a des gens qui étudient. Alors aussi, ça c'est un problème avec les prosodistes, c'est qu'il y a aussi des gens qui considèrent qu'il n'y a pas de segmentation propre à la prosodie, que la segmentation elle est d'abord faite par la syntaxe, mais que par contre la prosodie elle sert à récupérer les relations entre les unités syntaxiques. Donc qui souvent considèrent qu'il y a d'abord une segmentation syntaxique et qui ensuite associent à ces segments syntaxiques des intonèmes. Donc, de là, par exemple, typiquement on associe un intonème déclaratif ou interrogatif à la phrase. Ça veut dire qu'on a déjà fait la segmentation en phrase, qu'on suppose que la segmentation en phrase nous est donnée. Alors que souvent, des fois, vous n'avez pas d'indice particulier de segmentation en phrase qui, au niveau prosodique, enfin, qui correspondrait à une unité locutoire. Alors après, il y a la question même dans la deuxième citation, les théories linguistiques ont toujours eu des problèmes pour traiter l'intonation qui échappe à la description structurale. Il n'est pas difficile à définir les composantes morphologiques associées à une sémantique explicite. Donc c'est la première. Nous posons l'hypothèse que les signaux prosodiques naturels ou relevant du système linguistique encodent des informations de nature plutôt procédurale que conceptuelle. Alors ça pose un problème pour la notation, parce que si la prosodie c'est du côté procédural, évidemment nous quand on fait de la notation, on est plutôt dans la notation de quelque chose qui est déjà produit, qu'on cherche à segmenter, et donc on est dans quelque chose qui est plutôt dans du déclaratif au niveau quand on va regarder les corrélations. Donc il y a vraiment même un problème de fond sur la pertinence de faire cette segmentation telle qu'on l'a faite. Mais bon, on l'a fait. Alors voilà ce que ça donne. Encore un point très important. On a des variations dans les stratégies intonative très importante suivant les genres. Je regrette de pas, j'ai pas pu récupérer les slides, j'aurais dû, mais on a déjà donc une étudiante qui a commencé à travailler là-dessus et qui a regardé simplement un seul indice qui était le nombre d'unités illocutoires et le nombre de périodes. Donc la période c'est l'unité prosodique maximale. Elle a regardé juste un seul indice qui est le nombre d'unités prosodiques majeures et le nombre d'unités illocutoires. Et elle a regardé le rapport des deux, juste sur les différents échantillons. Alors, ce qui se passe, c'est qu'on a des échantillons où on a trois fois plus de périodes que d'unités locutoires. C'est-à-dire qu'on a des locuteurs qui vont scander leur discours et qui vont produire donc des périodes, plusieurs périodes à l'intérieur d'une unité locutoire. Typiquement, ça, c'est le discours politique. Donc, discours de... Je sais pas, dans notre base, on avait un discours de Sarkozy, un discours de Chirac... Donc on a ça, on a jusqu'à 3-4 périodes pour une seule unité locutoire. A l'inverse, on a des gens qui vont regrouper beaucoup d'unités locutoires en une seule période. Ça, typiquement, c'est vous interviewez un jeune, vous lui demandez de raconter son itinéraire universitaire et tout ça. Et donc, il va avoir des périodes comme ça qui vont raconter des morceaux d'itinéraire et vous allez avoir plusieurs unités locutoires. J'ai fait ci, j'ai fait ça, j'ai fait ci. Donc, ça veut dire que vous voyez, donc tout à l'heure je disais par exemple associer un antonyme à une phrase, mais si vous partez uniquement de la prosodie et si vous prenez les segments, la segmentation telle que faite par la prosodie, vous n'avez pas de découpage au niveau prosodique qui corresponde vraiment à quelque chose qu'on pourrait appeler la phrase, que ce soit les unités locutoires ou les unités rectionnelles. Et donc, on est en train d'étudier ces choses-là, mais les premiers résultats sont déjà extrêmement frappants, puisque vraiment là, c'était le minimum qu'on peut faire, c'est-à-dire on ne regarde même pas le détail, on regarde juste le nombre d'unités locutoires, le nombre de périodes, on ne regarde même pas comment ça se répartit dans le détail. Déjà, on a des indices, on voit déjà qu'on a des genres complètement opposés. Alors, justement, cette segmentation en périodes, c'est une segmentation qui est donc faite sur des critères acoustiques. Alors évidemment la pose joue un rôle assez important, mais c'est pas le seul élément qui joue un rôle. Ce qui joue un rôle aussi, c'est le geste intonatif, donc c'est-à-dire la différence de hauteur entre le dernier extrémum et la moyenne. Donc, c'est-à-dire est-ce que avant la pose vous avez quelque chose, est-ce que vous avez un geste ou est-ce que vous avez une prosodie assez plate, l'amplitude du saut des deux côtés de la pose, et puis après vous avez des poses très marquées, donc des poses très marquées avec des gestes prosodiques importants qui ne correspondent pas réellement à des périodes dans le sens où en tout cas c'est un autre type de rôle, et notamment dans les disfluences et quand vous avez des productions de E, vous êtes dans des cas donc, où le locuteur va interrompre son flux pour des raisons autres que quelque chose d'une segmentation qui serait syntaxique, sémantique. Dans ce travail, ce type de découpage a été éliminé. Il y a un marquage des disfluences hautaires en. Donc là, disfluence, attention, parce que le disfluence, on l'a utilisé tout à l'heure en syntaxe pour parler des cas où on avait répétition d'un élément grammatical ou lexical. Là, on parle de disfluence quand on a vraiment une disfluence, c'est-à-dire dans le flux, on a une disfluence, donc rupture du flux. Ça a été fait de manière semi-automatique, c'est-à-dire qu'il y a un logiciel qui a été entraîné par Bernard Story et Anna Schreck qui s'appelle Analor, qui fait donc des propositions de segmentation en période, en donnant en plus des indices, en expliquant pourquoi il a fait ce choix. Donc, par exemple, ici, on a un saut +, donc le choix de la coupure de période est parce qu'on a un saut +, un geste plus, une pause plus. Tout a été vérifié à la main ensuite. Alors le deuxième type de segmentation qui a été fait, c'est une segmentation sur des données perceptives par des annotateurs novices qui ont ensuite été validés par des experts, et sur l'identification de prééminence avec trois niveaux de prééminence: absence de prééminence, prééminence faible, donc le double weak, prééminence forte, strong, donc sur ce principe de contraste, donc on perçoit une prééminence parce qu'on a une syllabe qui est contrastée par rapport aux autres. Alors à partir de ce repérage des prééminences, et en considérant que en français, les proéminences sont des fins de groupe, et donc on a pris en compte uniquement les proéminences terminales de mots. Donc c'est là qu'il y a une petite introduction quand même de la syntaxe. et des, parce qu'il faut se mettre d'accord sur ce qu'on entend par mot, en particulier si on a des mots composés. Et en tenant compte donc des zones de disfluence, on a donc un découpage. On va avoir donc un découpage de notre chaîne parlée. De la manière suivante. Donc on va avoir un regroupement. Donc on va considérer qu'à chaque fois qu'on a une proéminence qui tombe sur une fin de mot, qu'elle soit faible ou forte, donc ici en fait on va avoir une proéminence sur C, une proéminence sur E, et donc à chaque fois on va considérer que c'est la fin d'un groupe accentuel, donc ça va nous faire une segmentation en groupe accentuel, et puis que les proéminences fortes, elles, font un regroupement des groupes accentuels en papier intonatif. Si vous le voyez à l'envers, vous partez de la période, donc vous avez un premier découpage en période avec les pauses majeures, et à partir de la période, vous découpez d'abord avec les proéminences fortes en paquet intonatif, et puis ensuite avec les proéminences faibles, vous surdécoupez en groupe accentuel. Et ça donne quelque chose comme ça. Donc, tu prends le boulevard là, qui part de Neuf-Chavant, le boulevard qui passe à côté d'Habitat, donc qui va être. Donc ça va être une période qui va être découpée donc, en paquet intonatif, en groupe rythmique, les pieds et les syllabes. Voilà, j'en arrive à ma conclusion. Donc, du point de vue de la syntaxe, donc ce projet nous a permis d'avancer vraiment sur la formalisation du modèle macro-syntaxique. De mon point de vue, c'était la contribution la plus importante avec la modélisation des entassements et la typologie des entassements. Donc, c'est vraiment les deux choses qui m'ont le plus intéressé dans ce projet. Il y a donc la mise en relation de la syntaxe et la prosodie. On l'a pas vraiment encore exploité, donc pour l'instant, c'est qu'on va pouvoir le faire. C'est un triband qui est open source, hein, donc on distribue. Sauf que la micro-syntaxe, on n'a pas tout à fait terminé, donc vous pouvez déjà aller sur le site, mais vous ne pourrez pas récupérer la totalité parce que ce n'est pas en ligne. Mais ça le sera. Alors après, évidemment, c'est un petit corpus. Donc, il y a une nécessité d'élargir le corpus, notamment si on veut faire du traitement automatique dessus. On avait, dans le cadre du projet, essayé de mettre en place un système de requêtes. Et on s'est un peu planté. Et du coup... On n'a pas de système convivial, donc c'est aussi pour ça qu'on est un peu ralenti sur l'étude intonosyntaxique. Alors les prochaines étapes, il y a des problèmes théoriques qui se sont dégagés de ce travail, et notamment sur la question d'un corpus multicouche. Ce qui se passe, c'est que tout ce qui est prosodique est aligné sur le temps, alors que tout ce qui est syntaxique est aligné sur le texte, sur la transcription. Sachant que vous avez des chevauchements, donc des fois, vous avez dans un même emprunt temporel deux structures syntaxiques qui correspondent donc à vos deux portions de texte. Donc cet alignement du texte sur le temps, il est déjà assez complexe à cause de ces recouvrements. Et en plus, vous avez des portions de texte qu'on a eu du mal à aligner, parce que quand il y a des chevauchements, en plus, on a des alignements partiels seulement, donc on n'arrive plus à aligner au phonème. En tout cas, on est incapable avec des moyens automatiques. Donc, on se retrouve, si on veut vraiment construire des gros tribans multicouches comme ça, il faut savoir qu'on va avoir des problèmes de recollement des couches. Et qu'on a une architecture assez complexe, c'est-à-dire on ne peut pas dire juste souvent on a cette idée, surtout quand on parle avec les gens qui travaillent sur l'écrit, ils ont le texte et puis bon, ils vont mettre des couches d'annotation sur le texte et puis ils peuvent mettre d'autant de couches qu'ils veulent, toujours c'est sur le texte. En fait, ça ne marche pas comme ça pour un corpus oral, c'est-à-dire vous avez des couches d'annotation qui sont directement reliées sur le temps, qui sont alignées au temps, et des couches d'annotation qui sont alignées sur des structures de plus haut niveau comme la transcription. Et en fait, donc, si on va un peu plus loin, c'est-à-dire si on continue, là, si par exemple on veut ajouter une structure sémantique, de la notation sémantique, on peut se poser la question de est-ce qu'on doit l'aligner au niveau du texte, revenir au niveau du texte, ou utiliser déjà le découpage qu'on a fait au niveau syntaxique. Parce que par exemple, au niveau syntaxique, on prend des décisions comme est-ce que quelque chose, est-ce qu'on le traite comme une seule unité syntaxique de base ou pas. Donc on a déjà fait des choix comme ça de regroupement sur lesquels il n'est pas nécessaire de revenir. Donc c'est clair que. Donc vous voyez la structure avec une structure d'un corpus multicouche, c'est complexe. C'est pas juste des couches alignées sur un truc. C'est des couches alignées les unes sur les autres. Au niveau du langage de requête, une des raisons pour lesquelles on s'est planté aussi, c'est que on n'était pas très clair sur ce qu'on voulait interroger, et notamment quand vous faites de la segmentation, vous allez sélectionner des empans de texte en disant que cet empan de texte, c'est une unité locutoire, c'est une période. Vous pouvez le voir comme ça, donc j'ai découpé mon texte en morceaux. Mais vous pouvez aussi penser en termes de frontières, de dire là, à cet endroit-là, il se passe quelque chose. J'ai un mouvement prosodique particulier, j'ai une frontière syntaxique. Donc vous pouvez interroger en termes de segments ou en termes de frontières. Les deux choses sont duales, c'est-à-dire ça revient au même. Mais la façon dont vous encodez du point de vue informatique, dont vous encodez les informations, vont être cruciales pour après le type de requête que vous allez pouvoir faire. Ce n'est pas exactement la même façon d'encoder les choses, ce n'est pas la même façon de les interroger. Il y a le problème de quand vous avez un corpus multicouche, de savoir si vos couches, elles sont indépendantes ou pas. C'est-à-dire que quand vous avez un empan de texte qui est à la fois une période et une unité locutoire, si vous avez fait deux annotations séparées, en fait, vous avez dans la notation prosodique, vous avez en fait, on vous dit, ça, de ce temps-là à ce temps-là, c'est une période. Dans votre annotation syntaxique, vous êtes aligné sur le texte. Donc vous savez que de ce mot-là à ce mot-là, c'est une unité locutoire. En fait, vous êtes en train de parler exactement du même empan. Mais si vous avez fait vos annotations indépendantes, c'est des objets différents. Votre période et votre unité locutoire sont deux objets différents. Et vous devez dire, est-ce que mes deux objets se coïncident ? Alors que vous avez une autre architecture, qui est donc plutôt ce qu'on appelle une structure objet, où vous allez considérer vraiment que vous avez des empans qui sont des objets, et vous allez dire cet objet est à la fois une unité locutoire et une période. Vous voyez la différence ? C'est-à-dire, dans un cas, si vous êtes multicouche, vous devez faire des relations entre les couches, mais vous pouvez aussi considérer qu'au contraire, ce qui est la structure première, c'est que vous avez des empans de texte. Et après, vous voulez les associer, plutôt les étiqueter en tant que période, en tant qu'unité locutoire, donc les associer à différentes annotations. Donc la structure du corpus est différente et le langage de requête va être complètement différent. Alors, pour terminer, aujourd'hui, on a démarré le projet Orfeo. Dont l'objectif est de fournir un corpus de travail qui soit outillé, dans lequel il y aurait 3 millions de mots d'oral. Vous voyez, on passerait de 30 000 mots à 3 millions de mots, donc on multiplie par 100. Et où en plus, on voudrait faire des comparaisons entre nos différents genres à l'oral avec différents genres à l'écrit. Et donc, il y aurait donc 3 millions d'écrits non planifiés, 3 millions de littérature, 3 millions de presse et 3 millions d'articles scientifiques. On voudrait être capable de reproduire sur ce corpus un certain nombre d'annotations qu'on a été capable de faire à la main sur Rhapsody. Donc on voudrait entraîner des outils sur le corpus Rhapsody, puis on dispose de d'autres corpus parce qu'il y a d'autres équipes qui ont fait aussi de l'annotation sur le français parlé. Il y a eu plusieurs initiatives en même temps, donc on aurait au moins quatre corpus pour l'amorçage. Ça pose de multiples problèmes. Et puis, donc ça c'est une direction qui est donc de passage à l'échelle, et l'autre direction, c'est de poursuivre la notation. Donc on a un corpus de références qui est très richement annoté, mais même s'il est très richement annoté, il y a finalement des choses extrêmement importantes qui ne sont pas du tout annotées encore. Par exemple, on est complètement passé à côté de la partie locutoire. On n'a même pas noté si c'était des questions ou des assertions, parce que d'abord, on n'avait pas... pas le background pour faire ça, et puis bon, c'est pas juste des questions de assertion, questions, vous avez des éléments comme les qui sont ni des questions ni des assertions, mais qui sont encore autre chose, et après là, et même la catégorisation en force locutoire est complexe, on n'a pas abordé ce problème là. On aurait besoin d'avoir une annotation des chaînes de co-référence en fait, pour avoir une idée sur la structure communicative, c'est-à-dire est-ce que notamment on voulait s'intéresser au pré-noyau, donc les éléments en pré-noyau, donc dislocation gauche pour parler comme les générativistes. Donc on sait que ces éléments-là, ils ont un rôle au niveau de la structure communicative, c'est souvent des thèmes focalisés, mais pour pouvoir parler de thèmes focalisés, il faut savoir si on parle de choses qui sont nouvelles ou pas, donc il faut aussi avoir des informations sur les... sur la chaîne de co-référence, est-ce que c'est la première fois ou pas qu'on parle de quelque chose. Évidemment, on pourrait aussi aller plus loin dans les relations prédicat-argument et dans le découpage en unités lexicales. Là, nous, on est resté à un niveau... Donc, vous avez vu quelque chose que je l'avais regroupé en un mot. Mais en fait, il y a assez peu de choses qu'on a regroupées en un mot et on a utilisé plutôt des critères syntaxiques. Pour faire ces regroupements et pas sémantiques. Donc on n'a pas fait une annotation des locutions, par exemple. On est vraiment resté au niveau syntaxique. Et puis, maintenant qu'on a ce joli découpage en unités locutoires, et que surtout on a remarqué qu'on avait des regroupements d'unités locutoires en période, évidemment tout de suite on se pose la question de qu'est-ce qui fait qu'on regroupe un certain nombre d'unités locutoires dans une même période au niveau prosodique. Et donc de savoir quelles sont les relations qui existent entre ces unités locutoires, on n'est pas allé au-delà de l'unité locutoire. C'est aussi une direction dans laquelle on doit aller. Mais bon, on ne va pas réussir à faire les deux. Pour l'instant, on est plutôt parti dans un passage à l'échelle plutôt que d'affiner notre corpus. Je crois que c'est terminé. Donc, les critères de changement de locuteur ne sont pas du tout pris en compte. Non. Ils sont passés par-dessus, c'est ça, dans les deux cas. Oui. Non, unité locutoire. Non, on a considéré que les unités locutoires, elles étaient propres à un locuteur. Illocutoire, ouais. Le sélectionnel qui passe par-dessus. Ouais. Mais cela dit, on a quand même des cas où on a des segments donc qui ont l'air de prolonger la structure du locuteur précédent plutôt sur des relations de type noyau post-noyau. Des exemples avec les reprises aussi, ce qui était noté comme négociation. Là, c'était bien de l'ordre de l'illocutoire, mais c'était traité comme une seule... Là, c'est traité comme... Donc là, les négociations. En même temps, c'est assez clair qu'on a un changement de force illocutoire, puisqu'on a une assertion, vous longez lesquelles, puis après on a une question. Donc là, c'est clair que c'est deux unités illocutoires. Question, donc on a ces alternances. Donc là, c'est plutôt le prolongement au niveau rectionnel. Évidemment, donc la pause, évidemment, c'est un des critères aussi de la distinction, par exemple, de la section. La pause va être présente. Oui, sauf qu'on l'a pas analysé en termes prosodiques, on l'a analysé en termes interprétatifs. Nous l'avons interprété comme deux assertions, sans se poser la question de est-ce qu'il y avait une pause ou pas de pause, si tu veux. D'accord. Une autre question, donc, c'est les disfluences, en fait. Donc vous annotez les dissonances et ensuite quand vous faites l'analyse de la microsynthèse, les dépendances, donc les dissonances, vous les ignorez complètement. Oui, ça fait partie. Non, les analyses. Donc en fait, le fait de les distinguer, c'est juste pour savoir que s'il y a une dissonance, ou est-ce que moi je peux juste pour que je comprenne cette autre idée. Non, c'est parce qu'après, on voudrait être capable de catégoriser on voudrait être capable de catégoriser un certain nombre de frontières syntaxiques en termes prosodiques, de voir les corrélations. Et alors, typiquement, dans un entassement, on a le début de l'entassement qui a, normalement ne devrait pas être marqué. J'avais une circonscription, le fait que vous reformulez en arrière d'action ou que vous ne reformuliez pas, ça ne devrait pas avoir d'influence. Donc ici, il n'y a pas de raison qu'il y ait quelque chose de marqué au niveau prosodique. Par contre, ici, très clairement, il va y avoir quelque chose. Il va y avoir quelque chose au niveau prosodique, un marquage du fait que vous allez reformuler. Probablement, on s'attend même à avoir des pauses à des endroits comme ça. Et on s'attend à ce que... donc, ce qui nous intéresse donc dans nos analyses, c'est vraiment c'est ce qu'on a noté par des barres horizontales. De la même façon, la fin de l'entassement, il n'y a pas de raison qu'il soit marqué particulièrement. C'est-à-dire que vous ayez juste dit « j'avais un rayon d'action d'à peu près 100 km » ou que vous ayez fait cette reformulation, ne devrait pas avoir d'influence sur l'enchaînement qui est ici. Okay. Donc c'est vraiment ces choses-là, et donc on voudrait notamment être capable de savoir, par exemple, si on est dans de la juxtaposition, donc qui serait de la coordination sans marqueur, donc quelque chose d'additif, ou quelque chose qui serait de la reformulation. Est-ce qu'on peut juste, sur des critères prosodiques, décider si on est côté coordination, côté reformulation. Et dans la syntaxe de dépendance, comment vous allez faire avec la répétition d'un élément ou des annonces? Comment on les fait? Donc on comme tu dis, parce que tu as dit qu'elle est dans la dépendance, mais elle n'a pas encore fini le travail. Si, mais on a fini le livre du protocole. Vous avez pas le fait? Vous allez voir par contre, je ne sais pas si vous allez vraiment voir là-bas. Vous verrez ce que je vous voyez, ce que je dis. Je sais pas, on peut peut-être relever l'écran. On peut, ouais. Il faut tirer dessus. Donc si on a un rayon, ce qu'on va analyser en fait, c'est qu'on va l'analyser comme ceci comme étant une dépendance normale. Oui, ça c'est vrai. Ok. Et on va considérer que ici entre ces deux choses-là, on a une relation paradigmatique. Ok. Donc il va être de la disfluence. C'est ça qu'on va faire comme analyse à nous. Par contre, quand on est dans le 2-2 structure métallique, là, donc là, on va considérer que le 2 est l'analyse. Donc après, on avait... on va avoir... L'ensemble va être relié par le premier, et puis ensuite, on va avoir ici donc, ces répétitions comme ça. Après, si tu veux, ces choses-là héritent. À partir du moment où tu as des relations paradigmatiques, tu peux considérer que le troisième hérite de la relation qui a eu le premier. Mais même au niveau prosodique, on est à peu près sûr que ça va être fluent. Tu vois que la disfluence, elle va commencer là. Donc c'est cet endroit-là où il va y avoir des disfluences. Donc ça va être fluent et ça va être fluent. Donc c'est ce qui nous intéresse, c'est ce qui se passe. Là et là, et qu'on soit capable de le catégoriser, de dire attention à notre analyseur, attention là, il y a de la disfluence, donc s'il y a répétition de 2-2-2, il faut que tu saches que tu dois déclencher un autre type de relation. Donc, mais sinon, c'est ça qu'on va avoir, donc on peut tout analyser, tu vois. Donc, parce que justement, c'est ce premier 2 qui est rattaché à ce qui se passe à gauche, et c'est le dernier 2 qui est rattaché à ce qui se passe après. Et donc, si on va avoir une structure complète, il faut qu'on soit capable de de dire ce qui se passe ici entre là et là. Bon, là c'est simple sur les discrétions, mais sur les reformulations, c'est pareil. Donc, j'avais une circonscription, c'est un voir qui va se combiner avec circonscription. Un rayon d'à peu près 100 km, là c'est le rayon qui va se combiner avec d'à peu près, mais en même temps, chacun des deux va hériter des relations des deux. Hein. Et eux, tu ne t'attends pas aux hésitations. Le E d'hésitation, non. Alors, donc, tous ces éléments qu'on a marqués entre le double slash, donc E, mais aussi des choses plus complexes, ça, comme voilà, enfin, qui sont des marqueurs de reformulation. Donc là, ils sont hors structure. C'est ça. Donc ici, c'est par contre, vous avez. On ne va pas les ignorer, on va considérer qu'ils sont plutôt dans une relation macro-sympathique. C'est ça, oui, c'est ça. D'accord. Il y a même plus avec les amours, c'est ça. Non. Donc, quand tu commences un mot, tu ne finis pas. Vois, non, mais les amorces, c'est pareil. Donc, si tu as quelque chose de blabla et après que tu as une amorce, comme je parlais de tout à l'heure, d'Alsace, là, c'est pareil. Ici, on s'attend qu'ici, ça soit fluent. Donc, si tu veux, la relation syntaxique, elle va d'abord être entre eux. Ce qu'il y a avant et cette amorce. Donc, on ne veut pas effacer cette amorce. On veut construire cette relation. Parce que la bonne relation syntaxique ici à construire, c'est de l'entassement avec ce qui précède, c'est entre ça et ça. Et là, s'il y a quelque chose derrière, la relation, elle va être entre ça et ça. Et ensuite, on veut construire cette relation. Donc, on veut pas. Non, on veut vraiment tout analyser. On veut pas. Non, il s'agit. Parce que c'est vrai que les analyses traditionnelles, c'est de dire, bon, ça, c'est disfluent, on ne s'en tient pas compte, et on va considérer qu'on a directement la relation entre ça et ça. Mais ça, c'est pas vrai. Enfin, c'est pas vrai du point de vue... C'est pas ce qui se passe du point de vue procédural. C'est probablement pas ce qui se passe dans notre tête, quoi. Et c'est pas ce qui se passe... Enfin, c'est au niveau de la prosodie, c'est pas comme ça que ça se passe. Et analyser en syntaxique, c'est automatique, et pour vous en noter un mouvement. Ah, pour l'analyse syntaxique, ouais. Donc là on va travailler avec l'équipe de Marseille, c'est Frédéric Béchet et l'apprentissage. Donc vous lui donnez le truc, vous avez noté en amont et après ouais. Avec des scénarios. Merci. Vous voyez même le début, je veux dire. Pour pouvoir être capable de faire ça, là, d'effacer ça, même le début, pour trouver le début ici, je le redis, hein, mais on n'a probablement pas d'indice prosodique. C'est parce que vous avez réussi à construire la relation et voir que d'Alsace est une reprise de cette bribe que vous pouvez savoir que le début de l'entassement était là. Mais c'est quand vous aurez construit ça que vous saurez que ça avait démarré ici. Sinon, il ne se passe rien ici tant que vous n'avez pas fait ça. Donc sur la mise en relation entre la notation prosodique et la notation syntaxique, le problème justement des différentes couches d'annotation fait que pour l'instant vous n'avez pas fait la mise en... Alors si on a la possibilité de faire la mise en relation parce que on a les bornes temporelles des mots. Oui. Donc mais pour l'instant on a des requêtes assez complexes puisque on fait une requête syntaxique qui doit ensuite dire si sur ces bornes temporelles, aller chercher dans le fichier prosodie à quoi ça correspond au niveau prosodie. Et donc, pour l'instant, on est obligé de se taper les requêtes en Python directement sur le fichier. Quoi. On n'a pas de système de requêtes simple. Mais je pense que même au niveau conceptuel, il n'y a pas eu de travaux sur les tribanques multicouches. Il y a des systèmes de requêtes maintenant très pertinents sur les tribanques monocouches, où vous vous interrogez sur des arbres. Vous avez des systèmes extraordinaires, super conviviaux. Vous avez un arbre, vous cliquez sur des nœuds, vous sélectionnez une configuration, et puis vous demandez pas à l'outil de vous retrouver toutes les arbres qui ont la même configuration. Et vous avez des trucs en open source et tout ça. Donc vraiment, maintenant, c'est pas un problème. Mais par contre, on n'a absolument rien trouvé sur les corpus multicouches. Et même sur les corpus oraux, c'est-à-dire que la question de l'alignement sur le temps, c'est quelque chose qui, pour l'instant, n'a pas été géré par les outils de requête. pas son système convivial d'interrogation, etc. Est-ce que vous avez réfléchi, mais peut-être vous l'avez déjà fait, sur est-ce qu'il est possible d'interroger le corpus tout petit, sans être d'accord, en lui donnant un modèle de courbe prosodique et en disant qu'est-ce qu'on a qui correspond à l'ensemble du corpus? Oui. Oui. Donc, en fait, à chaque type d'unité qu'on a, chaque type d'unité qui est considérée, que ça soit, même, on a même les unités, en fait, les projections de. Donc, on a même les groupes nominaux, si vous voulez, donc les constituants, au sens, constituants syntaxiques au sens visuel, donc tout ça. On a récupéré tous les constituants syntaxiques, tous les constituants prosodiques, micro, macro, ça. Et pour chacun d'eux, on a une annotation tonale, donc c'est-à-dire une annotation, une discrétisation du contour prosodique, avec l'idée c'est de regarder le début, la fin, l'extrémum, et de regarder dans quel tiers est l'extrémum, quel est le. Comment sont. Donc regarder les tons avec une échelle à 5 tons, je crois qu'on a un truc. Donc de regarder les tons de ces trois trucs et la position de l'extrémum par rapport aux extrémités. Donc ça, bon, c'est une simplification comme une. Mais alors donc du coup, vous avez un nombre fini de possibilités. De possibilités finies, oui, bien sûr. Oui. Même si c'est relativement important, parce que s'il y a 5 tons et 3 points, ouais, déjà, t'as 30 000 mots, donc ça veut dire que t'es de l'ordre de 100 000 phonèmes, enfin 100 000 syllabes plutôt que de 100 000 phonèmes. Après, donc, t'as rien qu'en unité prosodique, on doit en avoir 300 000, unité syntaxique, on est un peu dans les mêmes ordres. Ça fait beaucoup de temps matériel. Évidemment, la question à rencontrer qu'on va avoir, c'est est-ce que un profil donné, je peux vous appeler ça un contour, ouais. Est-ce qu'un contour donné a plusieurs interprétations, ou est-ce qu'il n'en a plus ou... Ouais, par exemple, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que quand on a une reformulation comme ça, est-ce que les contours des deux conjoints sont similaires? Est-ce qu'on reproduit le contour, par exemple? Mais tu vois, une requête comme ça, c'est une requête qui déjà est capable de récupérer les conjoints, de tenir compte du typage parce que tu veux regarder les reformulations et pas toutes les coordinations, voilà, d'appeler le contour. Mais on est, enfin bon, ça, c'est, si tu me dis c'est ça qui m'intéresse, on fera la requête, tu vois, mais pour l'instant on est obligé pour chaque requête de faire un petit script, donc c'est un peu gros. Donc on n'a pas exploité le. Du coup, l'exploitation est assez lente. Oui, bien sûr, on a la possibilité de le faire. Donc, on veut regarder les contours de pré-noyau, les contours de post-noyau, et tout ça. Est-ce que les critères utilisés pour l'identification des unités locutoires, est-ce qu'ils sont modélisables ou bien c'est juste un moyen pour a posteriori qui permet de s'assurer que cette unité relève bien d'une unité locutoire complète, par exemple? Par exemple, quand vous utilisez, par exemple, est-ce que c'est pas vrai, ou même au niveau micro-syntaxique, des vaches? Donc les critères, oui, c'est ça, c'est les critères, c'est le. C'est le changement de la modalité locutoire. Donc est-ce qu'on peut changer d'une assertion à une interrogation? Est-ce qu'on peut ajouter une. Mais parce que ça, c'est pas dans le corpus, c'est des métadonnées. Enfin, oui, c'est quelque chose de. Non, bien sûr, il n'y a pas de. Non, c'est un travail de. Comme souvent, la notation syntaxique, ça se fait par des critères qui sont en fait des opérations de manipulation des données. Est-ce que c'est modélisable? Est-ce qu'on pourrait, par exemple, demander d'un corpus de vérifier si tel segment. Quand tu dis modélisable, tu veux dire automatisable? Voilà, c'est ça. Parce que le fait d'avoir donné des critères, c'est une modélisation, si tu veux. Mais après, l'automatisation, non, parce que l'automatisation, elle supposerait. Enfin, en tout cas, l'automatisation des critères, non. Parce que l'utilisation des critères, elle suppose que tu peux construire construire l'interrogation et pouvoir demander à un locuteur est-ce que, oui, voilà, est-ce que c'était bien ça, est-ce que c'était bien ça que je voulais dire. Donc ça, dans la machine à répondre à rien. Mais par contre, par contre, on a quand même un vague espoir de récupérer les frontières d'unité locutoire à partir de la prosodie, en prenant en compte les métadonnées, c'est-à-dire le genre. C'est-à-dire que, évidemment, on a déjà lancé un étudiant de master, probablement que ça sera un sujet de thèse en fait, mais là, c'est une première expérience qu'on veut lui faire faire, d'essayer de, à partir des frontières de période, de repérer les frontières d'unité locutoire. Mais l'apprentissage se fait en tenant compte des métadonnées. Parce que, parce que comme je vous ai expliqué, suivant les genres, vous avez sur-segmentation prosodique ou au contraire sous-segmentation. Et ça, on a l'expérience est en cours. Donc, mais ce n'est pas une application des critères, c'est autre chose. Moi, c'est parce que ça m'intéresse beaucoup. Le contour là, que tu as dessiné en trois points, ouais. Quel est son emploi maximum? C'est une unité d'intonation? C'est une... Il n'y a pas d'emploi maximum. Tu fais le truc à l'inverse. C'est-à-dire que tu as un découpage en unités qui est donné par différents. Tu as une segmentation qui est faite par des critères prosodiques, là, les proéminences et les périodes. Tu as une segmentation syntaxique et pour chaque segment, tu associes un contour. Et donc après, tu peux récupérer tous les segments qui ont le même contour. Si tu veux. D'accord. Il y a beaucoup de documents, en ligne, un peu techniques, mais comme maintenant vous avez ma présentation, vous êtes. Si vous voulez en savoir plus, je pense que vous êtes tout à fait capable de lire les documents. Donc en fait, on a des tutoriels sur un peu tout, hein, sur le codage prosodique, il y a un tutoriel sur la notation tonale, hein, si tu veux avoir le détail, tu peux aller le récupérer. On a même un tutoriel requête, parce qu'on a fait notre système de requête, mais qu'on n'arrive pas à faire fonctionner. Donc l'adresse, hein, c'est projet-rapsodie.fr. Ouais. Parce qu'on a voulu faire ce système de requêtes et en fait on avait prévu des visualisations comme retour des requêtes. Donc on avait même développé un système de visualisation et des résultats de requêtes qui marchent. On n'arrive pas à faire les requêtes. Et en fait du coup on n'a pas de système de visualisation du corpus lui-même, donc des annotations. En fait, on aurait besoin d'un truc juste pour. Vous voyez, je vous ai montré des dépendances, tout ça, non, juste pour dire sur cet échantillon-là, montre-moi la structure microsyntaxique. Donc là, on s'est tourné vers Hortolang pour voir si on peut avoir des moyens pour terminer ça. Donc après on va avoir des problèmes pour le passage à l'échelle, c'est que donc l'idée qu'on avait donc en déposant le projet Orfeo, c'était qu'on pourrait à partir des indices prosodiques faire un découpage macro macro-syntaxique et qu'après, on pourrait faire une analyse syntaxique sur les segments qu'on obtiendrait. Parce que la plupart des analyseurs aujourd'hui sont des analyseurs qui ont besoin d'une segmentation a priori. Tout ça, ça vient de la tradition de l'écrit où en fait on faisait des analyses syntaxiques sur des phrases, donc on avait des outils qui traitaient des phrases. Donc ils ne savent pas traiter la transcription comme ça, comme on fait nous. Et donc beaucoup de choses reposent sur cette segmentation préalable. Et ça suppose qu'on ait des indices prosodiques récupérables. Ça veut dire qu'on soit capable de faire l'alignement d'abord, automatique, de la transcription avec le son. Et ensuite, faut qu'on fasse confiance au calcul de la F0. Et ça, on sait qu'il y a encore ces calculs de F0 ne fonctionnent pas encore parfaitement. Il y a des problèmes type creaky voice. Enfin, il y a des certains types de choses où ça plante complètement et on a des résultats aberrants. Donc, bon, c'est sûr qu'on va avoir des problèmes. Les syntacticiens de Dex, là, ils avaient cette annotation, cette analyse en grille, donc qui consiste à, dès que vous avez un entassement, mais évidemment, ça marche pas du tout si vous voulez aligner le texte avec le temps. Donc si vous voulez mettre la prosodie en plus, donc vous êtes déjà obligé de changer de type de représentation pour les entassements. Et tout de suite, ça devient beaucoup moins lisible. Vous tombez sur des systèmes comme on a, mais c'est beaucoup moins lisible que ces choses comme ça. Il faudrait être capable d'aligner vraiment la représentation syntaxique sur le temps, quoi, mais tout en rendant le texte lisible. Enfin, bon, ça, on sait déjà, Supra, vous voyez déjà le problème que ça pose. Alors, imaginez si en plus vous devez rajouter là-dessus des dépendances entre les mots. Donc, oui, là, il y a encore l'ingénierie, quoi. Et puis même de choix, enfin, même si vous me donnez un ingénieur aujourd'hui, je ne saurais pas exactement ce que je veux. Quoi. C'est beaucoup de choses contradictoires. Il faut arriver à bloquer au moins une annotation qui soit la référence à un moment donné. Oui, alors c'est ça. Donc l'idée sur laquelle on était parti, c'est qu'on privilégie un type d'utilisateur. Donc on sait qu'on va avoir un utilisateur qui s'intéresserait à la syntaxe. Celui-là, peut-être qu'il faut lui donner vraiment les choses comme ça. Après, on va avoir un utilisateur qui, lui, privilégie la prosodie. Donc, ce qui l'intéresse, c'est vraiment l'alignement sur le temps, même si le texte, après, est un peu bizarre. Donc, il faut... Donc, il n'y a pas un seul mode de représentation. Et ça, donc, c'est un travail qu'on va poursuivre aussi en collaboration avec le projet Ortholang, sur ces questions de visualiser un type d'annotation. À l'intérieur du projet Orfeo aussi, donc il faut même qu'on réfléchisse, enfin même vous avez une étape avant la visualisation. Il faut bien comprendre que ces corpus-là, c'est extrêmement complexe dans le sens où vous avez, d'une part, vous avez votre corpus qui est formé d'échantillons avec des métadonnées différentes. Ça, c'est une première dimension de votre corpus. Là-dessus, vous rajoutez des couches d'annotation. Okay, sachant que, comme je vous ai montré, en plus, ces couches d'annotation, c'est des couches d'annotation qui sont souvent dépendantes les unes des autres. Donc c'est assez complexe. Vous faites la transcription, après vous l'analysez synthétiquement. Après, vous avez pour une même annotation différents formats possibles. C'est-à-dire, par exemple, une annotation syntaxique, vous pouvez la représenter sous forme d'un balisage, comme je vous ai montré pour la macro syntaxe. Vous utilisez différentes balises. Mais en fait, quand vous avez un balisage, ça correspond à un parenthésage. Et ce parenthésage, il correspond à une structure d'arbre. Donc vous pouvez aussi avoir une représentation arborescente. Donc vous avez des formats très différents. Vous pouvez présenter ça en XML. En fait. Donc vous avez pour chaque annotation, en fait, une autre dimension qui est les différents formats que vous utilisez pour représenter ça. Et après, pour chaque format, vous avez des outils de visualisation. Et pour un même format, vous pouvez avoir différents outils de visualisation, de requêtes, de tout ça. Donc vous êtes encore dans une autre dimension. Donc vous voyez tous ces trucs à défaut. Et si on veut arriver à s'en sortir, il faut avoir quelque chose d'assez modulaire. Donc, il faut avoir des outils dédiés. Donc, pour un format donné, on a un outil de visualisation pour ce format-là. Et en fait, l'erreur qu'on a faite, nous, dans le projet Rhapsody, c'est qu'on n'a pas réfléchi avant à quels étaient les outils disponibles pour les requêtes. En fait, ce n'était pas notre boulot, parce qu'on n'est pas vraiment une équipe d'informaticiens. Les partenaires, c'était des labos de linguistique. Et donc... On aurait dû regarder d'abord quels étaient les outils et quels étaient les formats qu'utilisaient ces outils-là, et en fait, projeter nos annotations vers ces formats-là. Alors que nous, on a fait à l'inverse, on s'est dit, bon, allez, nous, on est des linguistes, on ne va pas s'occuper de ce que font les informaticiens, on a nos théories et tout ça, on fait nos formats, et puis après, on s'est trouvés comme des idiots avec nos formats qui ne correspondaient à aucun outil. Moi, ce que m'a appris aussi un projet comme ça, c'est d'être beaucoup plus pragmatique, on l'a dit. Merci beaucoup. C'est moi.